Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. On ouvre aujourd'hui la 15e case du calendrier de l'Avent, il est 18h. Sur la plus normande des radios, Dorian. Allez, comme toutes les semaines, on se détend et on se pose pour écouter l'Espace Top 20. Espace, plus de son, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. Le rendez-vous incontournable, comme d'habitude, et c'est reparti pour un nouveau classement de l'Espace Top 20 avec un peu de changement cette semaine. Ça va démarrer avec le numéro 20 dans quelques minutes, mais pour l'instant, je vais vous parler du numéro 18, car il a beaucoup descendu. Il passe du numéro 12 au 18. Énorme chute. Eddie De Pretto, Random sur Espace. En numéro 19, ce sera l'une des nouveautés de la programmation. Martin Garrix et Mac Young avec Dreamer. Et en numéro 20, grosse chute aussi pour Silk City et Electricity. Voilà, vous le voyez, un classement pas mal en mouvement cette semaine, et j'en profite pour embrasser nos amis du comité des fêtes de Gournay-en-Bray. En vous donnant rendez-vous également ce mercredi 19 décembre du côté de Beaumont-le-Roger pour une matinée conte de Noël avec les enfants, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site de la mairie. Et le 28 décembre, attention, évidemment, l'open show en direct, spécial fête de fin d'année. On sera ravis de vous retrouver. Passez une belle soirée, un bon week-end. Le numéro 20. Espace. Top 20. Le top 20. Numéro 20. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up my ghost for you. Now I'm see through. You give me a feeling. Feeling so strong.

toute la journée. Toute la journée. Espace. Priorité au tube. Écoute. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Espace Radio. Normande des radios. Espace en mode souvenir. Bonne soirée, bon week-end, bon courage évidemment à ceux qui taffent. Vous êtes sur Espace dans le classement Espace Top 20 et à l'occasion de Noël qui approche à très grands pas, on va continuer avec un petit chant de Noël comme ça. Wham, Last Christmas, sorti en 1984 et vous pouvez gagner vos cadeaux de Noël dans le Morning Light et l'After School. Bonne soirée. Les 20 meilleurs tubes. C'est le top 20 Espace. Et le classement continue comme chaque semaine. On va passer maintenant au numéro 15. Il n'a pas bougé et garde sa place bien au chaud. Criss Cross, Amsterdam X, The Boy Next Door avec Whenever. Et j'en profite également pour vous donner rendez-vous du côté des Andelys, car Luciale vous attend jusqu'au 24 décembre pour vous offrir plein de cadeaux avec les commerçants. N'hésitez pas à aller les voir. Allez, numéro 15 maintenant. Soyez prudents sur les routes. Et évidemment, bon courage à ceux qui taffent. On pense très fort à vous. Espace. Top 20. Le top 20. Numéro 15.

En plus des enfants, je vous offre pour la maison et pour l'anniversaire de ta femme qui s'appelle comment ? Aurélie. Aurélie, tour de son pour toi. J'ai passé à l'écoute en ce moment, mais elle est contente. Elle va être surprise déjà. Là, le coup de l'anniversaire, je ne l'ai pas vu venir. Bah non. Écoute, ça tombe très très bien. Ah donc, bah ça tombe bien, ouais. Donc 4 cadeaux puisqu'il y a le casque audio, l'enceinte connectée ouais. pour ton fiston, Mini qui réagit en mode peluche interactive et la tour de son à mettre à la maison. Bon ben mon Thierry, je Parfait. Vous souhaite à toutes et tous dans la famille de très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi. Merci en tous les cas d'écouter Espace dans la poste voilà, mobile. C'est ça. Salut mon Thierry, bonne Merci. Journée. Merci, bon week-end. Ciao, au revoir. Salut. 17h, 19h. Ludo à la radio. Espace. Ils sont incontournables. Sur Espace. Espace. Écoutez les meilleurs souvenirs. Allez, la première heure de l'Espace Top 20 se termine tranquillement avec un petit mode souvenir comme d'hab. On adore ça, c'est Baltimora Tarzan Boy. Mais ne bougez pas, puisqu'on se retrouve dans un instant pour une deuxième heure toute en folie avec les 11 premiers du classement. Et là aussi, je peux vous dire qu'il y a du mouvement. Passez une bonne soirée, un bon week-end. Et voilà, merci d'être avec nous. Get to you. Normand, vous êtes Picard et vous nous rejoignez sur Espace en ce samedi soir. Soyez les bienvenus, il est tout juste 19h. Les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. L'acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes et à Paris et partout en France, une mobilisation en forte baisse. 2200 manifestants ont été comptabilisés à Paris en début d'après-midi. Ils sont plus de 30 000 en région. La semaine passée, 77 000 personnes avaient été recensées à la même heure, dont 10 000 à Paris. Selon un dernier bilan de la préfecture de police, 136 personnes ont été interpellées à Paris depuis le début de la journée et 96 individus ont été placés en garde à vue. C'est dans ce contexte que de nouvelles scènes de tension sont apparues en cette fin de journée sur les Champs-Élysées entre les manifestants et les forces de l'ordre. En province, la manifestation a dégénéré à Besançon où des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. À Toulouse, le marché de Noël et la place du Capitole ont été bouclés après des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Dans le reste de l'actualité, il ne reste plus qu'un département placé en vigilance orange par Météo France. Vigilance orange, neige et verglas, il s'agit de l'Eure-et-Loir. À l'international, apaisement entre la Chine et les États-Unis. La Chine qui va suspendre au 1er janvier et pour 3 mois les surtaxes douanières imposées aux voitures et pièces automobiles importées des États-Unis dans le cadre de la trêve commerciale décidée par les deux pays. On passe au sport. Programme très riche ce week-end avec tout d'abord de la Coupe du Monde de biathlon et le retour de Martin Fourcade en forme. Le Français a remporté la poursuite messieurs aujourd'hui après une très belle performance. Du football et une 18e journée de Ligue 1 à l'agenda à perturber. À suivre uniquement ce soir à 20h la rencontre Stade de Reims-Strasbourg. Notez que les joueurs alsaciens porteront ce soir un maillot floqué du message Strasbourg, mon amour, en hommage aux 4 morts et 12 blessés de l'attaque du marché de Noël survenu mardi soir à Strasbourg. L'assaillant présumé, Chérif Chekat, a depuis été abattu par les forces de l'ordre. Sur la plus normande des radios, Dorian. Deuxième heure, et qui dit deuxième heure dit que le classement Espace Top 20 continue maintenant. Espace, plus de son, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. Et ouais, le rendez-vous incontournable, c'est reparti pour une deuxième heure ensemble et on va cette fois-ci découvrir les 11 premiers titres du classement de cette semaine avec en numéro 9, celui qui ne bouge pas, Caigo Miguel, We Mind Me To Forget. En numéro 10, grande remontée pour quelqu'un avec Ça Ira Mieux. Et numéro 11, pareil, il conserve son fauteuil, Lady Gaga, Bradley Cooper avec Shallow. Et puis rendez-vous du côté de Val-de-Reuil pour le marché de Noël avec notamment ce samedi 22 décembre, le Noël de la solidarité. Passez un bon week-end. Espace Top 20. Le Top 20, numéro 11. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. Times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. In the shadow, la la la la.

normande des radios. Espace en mode souvenir. Je vous rappelle que le 28 décembre, je vous retrouverai en direct avec Louis et Mickaël de 19h à 21h pour l'Open Show 4, spéciale fête de fin d'année. Voici Bonnet M, No Woman No Cry en mode souvenir. Normande des radios. Espace Top 20. Les 20 meilleurs sons. Les 20 meilleurs tubes. C'est le Top 20 Espace. Yes, le Top 20 Espace comme toutes les semaines, avec cette fois-ci la dernière ligne droite avec les 5 premiers du classement de cette semaine. Avec le numéro 4 hein, qui redescend un petit peu, moins 3 petits points, c'est Cameron. Je laisse passer. Et en numéro 5, évidemment, Big Flo, Oli, Petit Biscuit. Demain, eux conservent leur petite place bien au chaud. Et au niveau des événements, sachez que jusqu'au 24 décembre, Luciale des Andelys vous accueille pour un Noël magique aux Andelys avec tous les commerçants. Vous pouvez gagner plein de cadeaux. Et à Évreux, samedi 22 décembre, une grande animation de Noël dans le centre-ville avec Espace, à ne pas manquer. Allez, numéro 5 maintenant, bon week-end. Espace Top 20. Top 20. Numéro 5.

one de cette semaine, Boosty Forever Young sur Espace en Normandie, en Picardie. Bonne soirée. Et ce soir, c'est les Miss France sur TF1. Évidemment, une grande élection annuelle à ne pas louper. Et David Leroy nous en parle maintenant à 19h55 dans la Proc Télé. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le samedi 15 décembre. Ce soir sur TF1, bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 18 ans, je suis étudiante en marketing et en communication. Mon rêve est de combattre la faim dans le monde et que tous les enfants de la Terre soient heureux. J'aimerais aussi me marier avec un footballeur parce qu'ils ont plein d'argent. Voilà en gros ce que vous allez entendre durant la soirée des Miss France 2019. France 2, les années bonheur avec Patoche Sébastien, il reçoit plein d'artistes que l'on aime, hein, mais on n'ose pas forcément l'avouer. Mais on kiffe, hein, et on chante devant la télé. C'est une belle émission populaire, 23h20, on n'est pas couché. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs reçoivent pas mal de monde. France 3, Mongeville, toute la soirée avec eux, uniquement des rediffs de ce commissaire qui mène des enquêtes tranquille, pépère le chien. Mais on adore tous Francis Perrin. Canal, 24h limite, un film d'action, hein, vous l'imaginez bien. L'histoire se passe à la frontière de l'Afrique du Sud. C'est une agent d'Interpol qui est chargée de protéger un homme. Elle échappe de justesse à une embuscade, nom d'idiot, c'est chaud patate. Arte, un documentaire, monument sacré, mosquée d'art et espace. M6, des rediffs de Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest, que je nomme Shrek. Mais je me suis posé la question l'autre jour. Si je le croise, est-ce que je vais oser l'appeler Shrek ? Je ne pense pas. Oui, ça s'appelle la trouille, mais j'assume. Le meilleur de la TNT, classique du samedi soir sur France 5. Ils sont souvent leaders. Échappée belle, ce soir direction la Guyane. La France du bout du monde, C8, les Chevaliers du Fiel, Noël d'Enfer, c'est une rediff. W9, des rediffs des Simpsons, toute la soirée. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Ça se passe uniquement sur Espace. Écoutez aujourd'hui ce qu'il s'est passé hier. Espace. Et voilà, c'est terminé pour le classement Espace Top 20 de cette semaine. Quelle tristesse! Mais pas de panique, c'est rediffusé à plusieurs moments dans la semaine. Ça débutera tout à l'heure à minuit d'ailleurs. Et puis évidemment, nouveau classement samedi prochain dès 18h pour découvrir peut-être des nouveautés, peut-être des changements. Nous verrons ça samedi. Je vous laisse avec Tina Arena, aller plus haut. La suite de vos programmes, c'est maintenant. Et on se retrouve toute la semaine. 19h21h, ciao. Cacher mes différences, ce désir ou des faux semblants. J'ai cru que d'autres pas des danses me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut, aller plus haut. L'on oublie ses souvenirs. Aller plus haut, aller plus haut. C'est rapprocher de le poser.